les pots cassettes. Tu veux tester, assume, paiera les pots cassés. Ces blagues brutes acceptent que le poids que tu ne fais pas. Ces blagues brutes admet qu'un fossé nous sépare. Pas la même compète, donc pas la même boule. On a peut-être le même skeg, mais pas les mêmes boules. On a peut-être grandi dans la même tour, mais ce n'est pas ce qui fait qu'on rappe dans la même cour. On pose sur les mêmes prods, on n'a pas les mêmes crocs. Monotype de ton équipe, même eux, même trop. On pratique le même art, mais on n'a pas les mêmes bases. Et le rappeur de trop qui fait déborder le vase. On a le même timbre, mais pas la même voix. On pile les mêmes timbres et ne ressentent pas la même joie. On est dans la même Fnac, mais les auditeurs ne prendront pas la même claque. On paraît similaire, mais nous ne sommes pas les mêmes. Je vois les choses en grand, tu les vois de la taille d'un même. Moi c'est ISF, toi c'est je sais pas quoi. Juste la carrière d'Obama, pas celle de Charles Pasqua. On paraît similaire, mais nous ne sommes pas les mêmes. Je vois les choses en grand, tu les vois de la taille d'un homme. Moi c'est ISF, toi c'est je sais pas.